Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, il est question de coulis, non pas de la préparation culinaire obtenue par une cuisson lente des aliments, comme pour un coulis de tomate, ou bien écrasé puis passé au tamis, comme le coulis de fraise. Non, le coulis qui nous intéresse est d'un tout autre type. Il ne s'agit pas non plus d'un vent coulis. Oui, un vent coulis, c'est ainsi qu'est désigné le vent qui se glisse par les interstices d'une porte ou d'une fenêtre mal jointe. Le coulis du jour, d'ailleurs, ne s'écrit pas coulis, C-O-U-L-I-S. Notre coulis à nous prend deux O, C-2-O-L-I-E, et il désigne un travailleur asiatique engagé dans une colonie. À la base, il porte les bagages, il est porte-faits. Mais en réalité, il est chargé des travaux pénibles, il est homme de peine, manœuvre. Ce sont ces coulis-là qui ont quitté leur pays, traversé les océans pour arriver en Europe, jusque dans les tranchées, pendant la Première Guerre mondiale. Qui sont ces hommes, ces coulis, emportés par le vent de l'histoire, le vent coulis. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous posons la question Chine-Occident, comment l'affaire a mal tourné? Des émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet Le cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast, la balado-diffusion, et puis vous pouvez en discuter sur le groupe Facebook Le cours de l'histoire. Vous êtes de plus en plus nombreux, merci. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de 140 000 personnes. 140 000 travailleurs chinois venus en Europe pendant la Première Guerre mondiale, des destins incroyables. Que sont-ils venus faire dans cette galère européenne? Avec vous, Lima, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université du Littoral, Côte d'Opale, donc c'est dans les Hauts-de-France. Hein. Voilà, dans le nord de la France. Voilà, dans le nord. Alors, c'est quatre sites, hein, l'université. Oui, c'est quatre sites, donc Boulogne-sur-Mer, Dunkerque, Calais et Saint-Omer. Et vous êtes l'auteur de La Chine et la Grande Guerre, aux éditions du CNRS, c'était là cette année, enfin l'année dernière. Et Les travailleurs chinois dans la Première Guerre mondiale, c'est un ouvrage collectif que vous avez dirigé. C'est un sujet, j'ai presque envie de dire, nouveau, alors que dans la période qu'on a connue du bicentenaire de la Première Guerre mondiale, il y a eu énormément de regards portés sur différents points. Ces travailleurs chinois avaient été oubliés. Il faut dire, ce sujet, effectivement, c'est assez inconnu. Et donc, moi, je pense que, parce que les historiens n'ont pas beaucoup travaillé sur, notamment sur les travailleurs coloniaux, et là, surtout, les travailleurs chinois sont pas des travailleurs coloniaux, et puis, en général, les citoyens français, ils travaillent surtout sur les soldats. Donc, je pense que c'est quand même un sujet assez reconnu, assez inconnu. Voilà. Oui, c'est vrai que longtemps, l'historiographie s'est penchée sur ceux qui combattaient les soldats. Absolument. Et là, nous avons des travailleurs avec une situation complexe qu'on va pouvoir détailler avec vous, Lima, et avec vous aussi, Laurent Dornel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Vous êtes l'auteur Des bras pour la France, c'est le titre de l'ouvrage, hein. Des bras pour la France, les Chinois co-auteur. Dans la... Co-auteur, c'est aux Indes savantes. C'est vrai que Lima nous parle de ces sujets, de l'histoire qui sont toujours passés un tout petit peu à côté des grandes interrogations. Et c'est vraiment le cas pour les travailleurs chinois. Est-ce que vous pensez que le bicentenaire de la Grande Guerre a été un moment important dans l'historiographie pour regarder ce qui s'est passé pendant cette Première Guerre mondiale pour ces travailleurs? Alors d'abord, je crois que c'est le centenaire. Et j'ai pas dit le quoi bicentenaire. J'ai dit le centenaire, excusez-moi, oui. C'est les gens qui travaillent trop sur les études napoléoniennes. Pour vous répondre, si on regarde un petit peu ce qui a été fait, les différents colloques, les différentes publications sur le centenaire, c'est vrai que globalement, de toute façon, les problématiques liées plutôt à l'arrière et à ce qu'on appelle le front intérieur, ont été relativement moins importantes que tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est écrit sur les aspects combattants de la guerre. Donc c'est vrai que globalement le travail en général, la vie dans les campagnes ont été moins étudiés que les phénomènes guerriers. Donc s'agissant en plus de travailleurs ou coloniaux ou étrangers ou chinois, on comprend qu'ils étaient aussi moins analysées, moins auscultées par les historiens. Et maintenant, les choses changent grâce à vous, Laurent Dornel, grâce à vous, Lima. En fin d'émission, dans le cours de l'histoire, nous retrouverons Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Mais pour le moment, nous allons faire, à travers un reportage de France 2, un reportage qui date de 2000, un petit tour à Marseille. Oui, à Marseille, au printemps 1917. Bienvenue à Marseille. Printemps 1917, bienvenue à Marseille. Dans les rires narquois, le débarquement ressemble à l'arrivée d'une bétaillère. L'armée anglaise installée en Picardie les attend, car Londres a passé un contrat avec la Chine. Les travailleurs vont creuser des tranchées, construire des voies ferrées, à raison d'un franc par jour. Certains sont au service des Français. Francis Aubry a croisé leur chemin à la fin de la guerre. Bon, je causais pas beaucoup avec eux, la moitié du temps. Ils ne pouvaient plus travailler, ils étaient anéantis, ces gens-là. Ils étaient. Puis alors, ils fumaient l'opium. Pas moins de 90 000 Chinois sont passés par Noyel. Terrassés en 1918 par la grippe espagnole, 840 y reposent encore. La plupart des stèles honorent un matricule. D'autres, plus dignement, un nom. Un reportage de France 2 qui date de 2000 et qui évoque un cimetière, celui de Noyelles-sur-Mer. Lima, ce cimetière, on l'entend hein, dans le reportage, ce sont oui. des stèles où parfois il n'y a seulement qu'un matricule. Vous avez été sur ces lieux-là. Il oui. y a, quand on parle de tous ces destins, une émotion qui oui. est à la base aussi de la recherche. C'est la vôtre, votre émotion. Voilà, voilà. Donc, en fait, quand la première fois je suis allée dans ce cimetière-là, vraiment, il y a... Oui, il y a... Je pouvais dire, même je sentais un peu, il y a un contact. Donc... Et depuis, je suis allée tous les gens. Hein, et donc, voilà. Oui, surtout, il y a... On ne sait pas combien exactement il y a de morts sous terre. Normalement, il est inscrit des 843 stèles qui est indiqué, mais je pense qu'il y en a plus. Hein. Là, on ne sait pas trop. Il y en a plus. Est-ce qu'on arrive à estimer le nombre de travailleurs? Moi, j'évoque 140 000, je m'appuie sur votre ouais. ouvrage. Lima, il y aurait 140 000 travailleurs chinois venus en Europe pendant la Première Guerre mondiale? En Europe, non, c'est surtout en France, dans le fond, l'Ouest. Et pour le 140 000, on peut dire que c'est un chiffre arrondi, parce que c'est les chiffres... les archives, ils sont pas d'accord. Les archives françaises, c'est autour de 36 000 ou 35 000. Et puis les archives anglaises, c'est de 94 000. Donc, or les archives chinoises, c'est plutôt les Chinois qui ont été recrutés par les Britanniques. Dans les archives, ils ont indiqué 100 000. Et puis, pour les archives françaises, ont été indiqués 40 000. Donc, on ne sait pas exactement il y a combien de Chinois qui ont vraiment les chiffres exacts qui sont venus en France. Mais donc, on a estimé autour de 140 000. Autour de 140 000. Voilà. Laurent Dornel, ses bras pour la France, c'est le titre de votre ouvrage « Les Chinois dans la Grande Guerre ». Il faut rappeler quand même le contexte. La Chine de ces années-là n'est pas une colonie officielle. Quel est son statut ? Alors, avant de répondre, je voulais revenir sur la question des chiffres. Je crois que, en effet, on parle en général autour de 140 000 Chinois, mais qui sont, comme l'a rappelé Lee, absolument pas destinés à l'ensemble de l'Europe, mais à la France. C'est-à-dire oui. que ces 140 000 Chinois ont tous été stationnés en France. Une partie, donc, à l'arrière des armées britanniques, autour de 100 000, un peu moins, et le reste, autour de 37 000, donc en France, partagés sur l'ensemble, enfin dispersés sur l'ensemble du territoire français. On ne dispose pas non plus d'appareils statistiques extrêmement puissants à l'époque. Donc, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter sur la question des chiffres, mais oui. C'est bon, ça, voir les grandeurs. Lima avait fait la synthèse. Ça représente à peu près la moitié des travailleurs d'outre-mer que les Britanniques ont recrutés. Du côté français, c'est le troisième contingent, après les Algériens et les Indochinois. Donc c'est quand même extrêmement important. Hein. C'est une présence qui est tout à fait visible. Alors, le contexte de la Chine, bah, c'est que la Chine vient depuis très peu de temps de changer de régime. 1911, c'est la République. Globalement, pour aller très très 1912. Vite, les affaires... 1912, vous corrigez Lima. Dit, sera plus, peut-être plus compétente que moi là-dessus. Les affaires intérieures sont très compliquées parce que le président de cette nouvelle République cherche à se faire passer pour empereur, enfin, faire adopter pour un nouvel empereur. Ça marche pas. Il y a des seigneurs de la guerre. C'est, en fait, ce qu'il faut comprendre globalement, c'est que la souveraineté de ce jeune gouvernement est limitée dans un pays qui, depuis les traités inégaux, c'est-à-dire depuis les années 1840, est morcelé, éclaté, ou en tout cas diminué par toute une série de territoires à bail, de concessions qui, en fait, appartiennent aux Français, aux Britanniques, aux Japonais, aux Allemands et aux Américains, et qui donc enlève une partie du territoire efficace à la Chine. Lima, la Chine fait partie du monde, bien sûr. On parle de guerre mondiale, bien sûr. Et pourtant, en Chine, ce n'est pas du tout l'expression utilisée. On va plutôt parler de guerre européenne. Absolument, oui. Cette guerre européenne, mais elle est très loin de la Chine. Comment la Chine se trouve investie dans cette histoire ? Alors, c'est comme tout à l'heure, Laurent a indiqué, donc la Chine à partir de deux guerres de l'opium, et ils ont soupié une série de traités inaugurés, donc en 1842 jusqu'à 1914. Et là, il y a une série inaugurée, à peu près 20 séries de traités inaugurés, et avec donc 20 sections d'influence étrangère, plus 5 annexions et puis aussi donc on s'appelle ça des bails, des zones de bails. Donc en fait, c'est parce que tous les belligérants européens ont été présents sur le sol. Or, la Chine, dès le 6 août 1914, on a déclaré notre neutralité absolue dans la guerre européenne pour éviter justement de toutes ces présences belligérantes entraîner la Chine dans la guerre. Or, les Japonais profitaient de l'alliance qui a été signée entre les Japonais et les Anglais en 1902 pour déclarer la guerre contre l'Allemagne et attaquer Qingdao. C'est pour ça que la guerre va arriver justement sur le sol chinois. Et après, les Chinois commencent à réfléchir comment participer à la grande guerre. La Chine participe à la Grande Guerre. La Chine participe à la Grande Guerre grâce notamment à ses travailleurs. Laurent Dornel, comment sont-ils recrutés? Qui sont ces travailleurs? Qui décide que ces gens-là vont partir pour la France, pour ne pas combattre? Mais ça, on va le détailler, ce qu'ils viennent faire chez nous. Qui décide de leur départ? Alors, juste une petite chose aussi, parce que c'est compliqué en duplex, mais je crois que ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est aussi que à cette époque-là, la grande puissance asiatique, c'est le Japon, et non pas la Chine. Donc c'est vraiment un point important. C'est le Japon depuis une trentaine d'années, 40 ans, est vraiment émerge comme la grande puissance asiatique. Alors, c'est un point important pour comprendre aussi l'entrée progressive de la Chine dans la guerre. Alors, ces travailleurs, ce sont pour l'essentiel des paysans, 80%, ils sont à peu près tous, enfin, l'appareil est 80% d'illettrés. Mais ils sont très différents, en fait, globalement de ce que l'on présente comme des coulis, justement. Et c'est peut-être la grande nouveauté, c'est-à-dire que vous avez commencé l'émission en parlant justement des coulis, mais dans les années qui suivent la Première Guerre mondiale, ces travailleurs ne sont absolument plus désignés comme coulis, mais comme huagong. Alors, quelle est la nuance sémantique vous sera expliquée par Lima, qui est par le chinois, ce qui n'est pas mon cas, mais c'est une très grosse différence. Les contrats, en fait, qui étaient faits au coulis avant la Première Guerre mondiale étaient des contrats, pour le moins les Honin, extrêmement difficiles, extrêmement contraignants. Et là, pour la première fois, on a des contingents de Chinois qui quittent le pays d'un peu partout, du nord, du Shandong, enfin ils viennent de surtout du nord, mais quand même d'un peu partout aussi, ils sont recrutés à Shanghai, mais ils partent pas dans les mêmes conditions que les coulis des années précédentes. C'est une différence importante. Ils sont recrutés d'un côté par les Britanniques, de l'autre par les Français, et d'abord subissent une visite médicale extrêmement contraignante, puis partent pour à partir de différents ports pour des expéditions qui sont très longues, puisque leur arrivée, enfin leur route, leur voyage peut durer parfois jusqu'à 3 mois. Avec des routes très différentes. Pour venir jusqu'en France. Dites-nous, Lima, donc Laurent Dornel fait une nuance sur l'origine de ces travailleurs avec le statut de coolie. Donc coolie, pour simplifier, c'est travailleur, mais c'est porteur, c'est celui qui est au service de, souvent le colonisateur. Vous pouvez nous préciser en fait qui sont ces travailleurs ? Alors, bah, moi je vais un peu... en fait, compléter un peu ce que Laurent vient de dire, surtout le coolie. Déjà, on va revenir sur le mot coolie. Coolie, en fait, en mandarin, c'est coolie. Donc, en fait, c'est une prononciation chinoise. Hein. Coolie, ça veut dire les forces, les hommes qui travaillent sur des travaux pénibles, d'aubaine. Alors, en fait, ce qui est, c'est quand on a recruté des travailleurs chinois, les contrats ont été bien étudiés par le gouvernement, notamment pour la société Huiming, c'est une société privée, mais derrière cette société intermédiaire qui était, c'était le gouvernement chinois, et les contrats, il est bien indiqué, ce sont des travailleurs volontaires, civils, c'est pas des coolies. Hein. Donc, il n'y a pas de mot coolie là-dedans. Coolie, c'est en Europe, parce qu'en France, on considère des travailleurs chinois, ce sont des indigènes ou considérés comme des coloniaux. Or, la Chine, c'est quand même un pays indépendant, entre guillemets, à l'époque. Donc, les Huagong, ça veut dire travailleurs chinois. Voilà. Voilà, des travailleurs chinois qui sont recrutés avec l'autorisation du pouvoir. Voilà, derrière, parce que la Chine a été dans l'autre déclaré dans la neutralité absolue, donc la Chine ne pouvait pas participer à la conquête auprès des alliés. Bon, mais derrière tout ça, la Chine a envoyé ses hommes à l'effort à la conquête, donc il y a quand même le gouvernement derrière. Voilà, donc Lima, la Chine est neutre, mais malgré ça, voilà. Neutralité, elle envoie des travailleurs. Voilà. Ces travailleurs sont recrutés en Chine et ils partent vers l'Europe. Nous allons écouter la lecture du journal d'un de ces travailleurs qui s'appelle Sun Gan, extrait d'un documentaire de 2018, Les oubliés chinois de la Grande Guerre. Le 23 juillet 1917, on nous a dit que le navire était déjà à quai pour venir chercher les travailleurs chinois. En arrivant à bord, on nous a remis des vêtements de coton ainsi que des couvertures et un gilet de sauvetage. Cette même nuit, nous sommes partis pour l'Europe. Nous étions tous volontaires pour commencer une nouvelle vie. Sur le Pacifique, le navire était extrêmement agité. Nous avions tous le mal de mer et très peur des sous-marins allemands. À notre arrivée en Europe, nous étions épuisés par les épreuves du voyage. Certains d'entre nous étaient très malades, et en débarquant sur la terre ferme, nous avions l'impression de toujours tanguer. Regroupés dans une zone portuaire, et après avoir été identifiés et avoir subi un contrôle médical, nous recevions nos contrats et nos cartes de matricule. Laurent Dornel, quelle est la motivation de ces travailleurs pour accepter de quitter leur pays et venir jusqu'en France pendant la Première Guerre mondiale ? Je crois que c'est celle de tout candidat à l'immigration, c'est-à-dire essayer de se constituer un pécule. Ça, c'est la première chose. Sortir de zones aussi où la vie est extrêmement difficile et où il n'y a pas forcément de travail. Et puis, il y a aussi en Chine, alors, même si ce ne sont pas des coolies, qui étaient en fait presque une forme de travail forcé parfois, hein, ce que les, les, les Anglais appellent les indentured work, enfin labor, c'est un travail presque forcé. Ils veulent aussi, pour certains, partir à l'aventure. Ils ont soif de probablement aussi de découverte. C'est-à-dire qu'il faut aussi sortir d'une vision ce qu'on s'est forcé de faire avec Céline Reignard, avec donc qui nous avons écrit ce livre, sortir d'une vision très doloriste de l'immigration. C'est-à-dire que ces Chinois qui partent sont pas forcément des pauvres bougres soumis. Voilà, beaucoup d'entre eux aussi ont une capacité, une volonté de tenter l'aventure, de partir. Donc on a probablement autant de motivation individuelle que de migrants. Et il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas de contraintes. Alors d'ailleurs, on le voit parce que une partie de ces travailleurs qui s'engagent et donc touchent une prime d'engagement profitent parfois des escales comme à Singapour pour se faire la malle, parce qu'il y a une grosse communauté chinoise à Singapour. Donc en fait, ils utilisent les besoins en main d'œuvre des Britanniques et des Français, les bateaux donc français et britanniques, pour aller jusqu'à Singapour où ensuite ils s'échappent. Et donc voilà, on voit à quel point aussi ces migrants sont capables d'utiliser ou de détourner des dispositifs occidentaux. Nous entendons avec vous, Laurent Dornel, la motivation de ces travailleurs de quitter la Chine, parce que oui, c'est une opportunité. Lima, du point de vue des Européens, des alliés, c'est juste la volonté d'avoir un afflux de main-d'œuvre, un afflux d'hommes dans l'idée d'une guerre totale. Absolument. Je pense que les Européens, notamment la France et l'Angleterre, pour quitter ces hommes travailleurs chinois, donc c'est surtout pour remplacer les hommes qui sont partis au fond, parce qu'il manque main-d'œuvre terriblement en France, notamment pour l'Angleterre à cause de la guerre et pour même jouir de la guerre dans la Somme qui a eu plein de victimes. Et mais je vais revenir sur le voyage de Sun Gan, hein. Et donc comme Laurent a déjà souligné, notamment il parle de les travailleurs chinois, ils sont pas forcés, ils n'étaient pas recrutés, mais on peut dire aussi une propagande. Le recrutement, il est sous cette manipulation. Mais la majorité des Chinois, travailleurs chinois, ils n'étaient pas au courant. Il y a vraiment une guerre, ils n'ont pas de notion de guerre en Europe, notamment en France. Oui, parce que nous avons une population, souvent illettrée, voilà, qui ne sait pas trop le contrat voilà. Qui est signé. Sauf le Sun Gan, c'était un instituteur, c'est pour une aventure, il veut venir regarder le monde extérieur, voilà, et donc c'est assez différent. C'est différent. Il y a un instituteur avec Sun Gan qui est un cas très particulier, bien absolument, sûr. C'est une masse de travailleurs qui s'en vont et qui commencent, qui vivent un voyage incroyable. Un voyage qui est évoqué d'ailleurs dans un ouvrage de Dorgelès. Cet absolument. Ouvrage, c'est Route des Tropiques, oui. Qui parle d'un bombardement d'un des navires, parce que les Allemands veulent empêcher l'arrivée de cette main-d'œuvre. L'attaque d'un navire le 17 février 1917, ce navire s'appelle l'Athos. Les coulisses, surgies de l'entrepont, empêchaient les marins de dégager les radeaux et se jetaient en vociférant à l'assaut des échelles. Des bandes loqueteuses de cantonais disparaissaient dans les coursives, le couteau ouvert, prêt à tout. Juste au pied de la passerelle, leurs racailles folles de peur se précipitaient sur les soldats, escaladés par grappes, et l'on voyait leurs têtes jaunes se hisser vers le deck. Puis les Chinois qui s'agrippaient sont tombés à leur tour, comme des hannetons quand on secoue l'arbre. Les Chinois basculés crèvent de leur corps en boule les vitres fracassées ou viennent s'empaler sur les baïonnettes. Un extrait de Route des Tropiques de Roland Dorgelès qui nous est lu par Élodie Hubert et qui évoque l'attaque par les Allemands d'un navire qui convoie des travailleurs chinois venus jusqu'en Europe, jusqu'en France. Ce voyage peut durer plusieurs mois. Dites-nous, Laurent Dornel, c'est un voyage qui marque les corps. Alors, c'est un voyage qui est long. En fait, on a deux routes majeures différentes. Une première route qui passe donc par Singapour, et puis jusque-là, jusque Suez, et ensuite la traversée de la Méditerranée, et puis cette route est bientôt fermée parce que justement il y a des attaques. Et donc comme l'attaque contre l'Atos. Et puis il y a de l'autre côté la route pacifique qui va être aussi alors majoritaire pour les Britanniques, qui parfois donc va jusqu'au Canada, traverse le Canada en train, et de là les Chinois sont acheminés jusqu'au Havre. Les Chinois qui sont recrutés par les Britanniques arrivent au Havre, et les Chinois qui sont recrutés par les Français, eux, ils arrivent à Marseille. Et donc c'est évidemment extrêmement long. Pour beaucoup de ces Chinois, c'est la première fois. Même si on manque encore d'éléments sur ces travailleurs. Est-ce que certains ont été autrefois travailleurs? Enfin, on ignore encore beaucoup de choses sur ces travailleurs. Mais il est évident que la traversée a été extrêmement éprouvante. Tous les témoignages montrent aussi qu'ils sont brutalisés parce qu'ils sont présentés comme des personnages, ou en tout cas des individus passablement dangereux, indisciplinés. Donc ça commence en général plutôt assez mal. Ça commence plutôt assez mal. Voici donc ce qui nous intéresse, ces 140 000 travailleurs chinois venus en France pendant la Grande Guerre, qui arrivent, vous l'avez dit, au Havre pour ceux qui sont recrutés par les Britanniques, et à Marseille pour ceux qui sont recrutés par les Français. Ils sont maintenant sur le sol. Reste à savoir ce qu'ils vont y faire, ce que l'on attend d'eux. C'est ce dont nous allons parler juste après une chanson de Lily Chao, dans ce pays lointain, si lointain pour ces travailleurs chinois. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Dans ce pays lointain et dans le cours de l'histoire, une émission réalisée par Milena et Ligue, avec aujourd'hui à la technique Soa Boukorsa et les équipes techniques de France Bleu Béarn. Dans le cours de l'histoire, nous partons à la rencontre de ces 140 000 travailleurs chinois venus en France pendant la Première Guerre mondiale. Mais oui, que sont-ils venus faire dans cette galère européenne? Nous avons vu comment ils ont été recrutés, nous avons évoqué leur voyage. Voici maintenant qu'ils sont sur le territoire. Dites-nous, Lima, qu'attend-on de ces travailleurs chinois? Pourquoi les a-t-on fait venir? Alors, en fait, on les fait venir surtout. Mais avant de vous répondre à la question, j'aimerais vraiment une fois revenir sur les traversées. Alors, en fait, 4 du côté des travailleurs chinois qui ont été recrutés sous l'autorité britannique, il y a 80 000 arrivés au Canada et traversés tout le Canada pour venir en France. Donc, c'est vraiment la grande majorité. En total, les Britanniques ont recruté 90 000. Donc, 80 000, ils sont arrivés au Canada et Canada en train, ensuite en bateau pour arriver au Havre. Donc c'est le traverser pénible. Alors pour les travailleurs chinois qui sont venus en France, c'est notamment comme ce que j'ai déjà souligné, c'est surtout pour remplacer les hommes qui ont été partis, qui sont partis au fond. Et donc notamment pour du côté français, c'est pour travailler dans les usines d'un moment. Et des, donc, dans des exploitations forestières, agricoles. Et pour les Britanniques, notamment, c'est, on pourrait parler des, s'appelle ça des soldats militaires. Parce que c'est vraiment troupé du fond autour de 16 kilomètres. Mais là, comme la ligne du fond, ça peut arriver à bouger. Donc, les Chinois, absolument, ils se conduisent. Ça arrive que les Chinois, ils sont entrés en combat avec les Allemands. Alors, ce qu'ils font, c'est surtout pour nettoyer des centres de bataille pour réparer la voie de communication, pour être déchargés et chargés, des chargements et déchargements pour des équipements navires et des dépôts. Hein. Donc, Laurent Dornel, Lima nous dit bien que ces travailleurs chinois venus en France sont là pour travailler dans les usines d'armement, pour remplacer tous les hommes partis combattre au front. Quelle est la réalité de leur situation ? Alors, je crois que ce qu'il faut aussi préciser, c'est extrêmement important si on veut comprendre vraiment ce qui s'est passé. C'est, on va dire, pour du côté français, ces 37 000 Chinois ne sont qu'une partie seulement d'un immense contingent d'hommes que l'État français a fait venir, a recruté pour la première fois directement pour, en fait, alimenter, en effet, l'économie de guerre. Il se trouve que la France d'avant-guerre est déjà une France qui est dans une situation démographique difficile. C'est l'enfant, c'est le pays de l'enfant unique. La démographie est extrêmement basse. Et puis on s'aperçoit que la guerre est très consommatrice d'hommes. Donc très rapidement, on a besoin de façon urgente d'hommes pour alimenter, pour fournir les bras pour l'économie de guerre. Alors, comme on ne peut pas chercher à côté dans les pays qui sont neutres, notamment dans un premier temps l'Italie, l'Espagne, puisqu'en fait, au moment de la guerre, si vous voulez, les travailleurs immigrés qui habitaient en France ont quitté le pays. Donc il y a eu un départ de main d'œuvre qu'il a fallu aussi remplacer. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher dans les colonies. En Algérie, 78 000 travailleurs sont recrutés pendant la guerre. En Tunisie, autour de 18 000. Au Maroc, 35 000 travailleurs. En Indochine, pas loin de 50 000 travailleurs sont recrutés. Donc vous voyez que, si vous voulez, les Chinois, les travailleurs chinois ne sont qu'une facette, j'allais dire, de ce besoin énorme de main d'œuvre. Il s'agit tout simplement, en effet, ce que disait Lee, à la fois de remplacer les hommes qui sont partis sur le front, mais aussi tout simplement de faire tourner les usines qui à partir de 1916-1917 tournent à plein. Voilà, et donc vous, Laurent Dornel, je vous demandais quelle est la réalité en fait, au-delà de ça. En fait, ce que je vous demande tout simplement, c'est ils ne sont pas censés aller sur les zones de combat. Ah non, ce sont des travailleurs civils, leur contrat le précise, ce sont des travailleurs civils, et justement c'est ce qui fait aussi la spécificité des travailleurs chinois par rapport notamment aux Algériens ou aux Indochinois, c'est que les travailleurs coloniaux sont militarisés, alors que les travailleurs chinois, eux, refusent très souvent cette militarisation qui voudrait, parce qu'en fait, ils sont traités comme des coloniaux, hein, ils sont gérés par le service de l'organisation des travailleurs coloniaux, c'est-à-dire qu'ils sont traités comme des coloniaux, alors qu'eux, en fait, ils se considèrent comme des travailleurs libres, civils. Donc, il y a des conflits tout au long de la guerre là-dessus. Donc, en fait, très clairement, ce sont des travailleurs civils qui sont destinés à des emplois civils, à l'arrière, et non pas du tout au combat. Laurent Dornel, le service de l'organisation des travailleurs coloniaux, ça c'est pour le cas français. Eh bien justement, on va écouter ce qui se passe du côté britannique avec le témoignage de Madame Jib de Glasgow, et donc une écossaise, avait son papa qui était officier donc britannique et qui s'occupait d'un camp de chinois et qui a livré un témoignage qui nous est lu aujourd'hui par Elodie Hubert. Même si les Chinois étaient prêts à travailler dans l'eau jusqu'à la taille, ils refusaient souvent de travailler lorsqu'il pleuvait beaucoup, ce qui exaspérait tout le monde. L'un d'entre eux, qui insistait pour travailler un parapluie à la main, s'était fait casser ce même parapluie sur le dos par un contremaître. Les punitions consistaient en une amende ou des coups de fouet. Mon père demanda au contremaître en chef quelle était pour lui la meilleure punition, et celui-ci lui assura que, puisqu'ils étaient tous là pour gagner de l'argent, les coups de fouet étaient le meilleur châtiment. Les travailleurs, d'après le contremaître en chef, seraient contrariés d'avoir une amende, mais les coups de fouet ne leur faisaient aucun effet. Mon père racontait que cela s'était confirmé lorsque l'un des officiers avait refusé par principe de donner des coups de fouet et qu'il s'était fait poursuivre par une horde de Chinois en colère. Les coups de fouet étaient en général administrés par un contremaître et les autres travailleurs assistaient à la scène en se moquant de la stupidité de la victime qui s'était fait prendre. Élodie Hubert qui nous lisait un témoignage, le témoignage de Madame Jib, qui était petite fille quand elle a assisté à cette scène, quand elle rendait visite à son père, officier britannique, qui s'occupait d'un camp pour les Chinois. Lima, la condition de vie des Chinois en France, même s'il s'agit de travailleurs civils et libres, est très difficile. Elle est dans des camps, avec, on entend bien là dans ce témoignage, des coups de fouet. Ce sont des conditions de vie très dures. Les conditions de vie très dures du côté des Britanniques, notamment, ils n'ont discipline militaire, donc une discipline de fer, et puis en même temps, certains Chinois qui transgressaient des règles, travailleurs chinois qui ils considèrent qu'ils n'ont pas obéissant, dans ce cas-là, ils l'ont même envoyé à la cour martiale, et donc tout ça, et il y a des maltraitances, notamment, qui est, on a vu dans plein d'archives qui est écrit par des travailleurs chinois, et notamment comme cette petite fille-là, dans des archives britanniques aussi, mais pas des archives officielles, hein, des souvenirs comme cette petite fille-là, qui parlait de maltraitance. Et chez les Français aussi, mais les Français, notamment, c'est l'encadrement, il est assez chaotique, surtout dans la gestion administrative, donc le salaire, les salaires en retard, les privations de nourriture, et puis enfermement sur les travailleurs chinois qui n'ont pas obéissant. Donc, c'est pas un traitement destiné aux travailleurs civils. On les regardait comme une sorte de soldat militaire, travailleur militaire, entre guillemets. Laurent Dornel, vous avez écrit avec Céline Régnard des bras au service de la France, les Chinois dans la Grande Guerre, sur les conditions de vie de ces Chinois pendant la guerre, en tout cas du côté français. Quel regard était porté sur ces hommes qui étaient associés aux coloniaux, vu qu'ils étaient inscrit dans le service d'organisation des travailleurs coloniaux. Mmh. Globalement, ils sont pas très aimés. Globalement, on s'aperçoit dans les archives, et je continue à travailler en ce moment sur ces archives, on s'aperçoit que les populations françaises n'ont pas un regard très amène, on va dire, envers les Chinois. Ça, c'est un premier point. Cela dit, c'est plus compliqué parce que on s'aperçoit aussi que, et c'est rappelé notamment par Dorgelès dans Le Réveil des Morts, mais aussi c'est très présent dans les archives, les Chinois défendent très âprement les clauses de leur contrat, notamment en termes de tout ce qui est de livraison de farine, de riz, de tabac, etc. Et en fait, ce qui apparaît, c'est qu'on s'aperçoit assez rapidement que ces Chinois commercent énormément avec les populations françaises. Donc, jusqu'à parfois revendre leur surplus de pain, etc. Donc, en fait, ils font du business avec ces populations. Donc, c'est des relations assez ambivalentes, mais ça, c'est un point qui n'a pas été encore très travaillé, mais qui est tout à fait avéré. Laurent Dornel, justement, en écho à ce que vous venez de lire, Lima, vous voulez rajouter quelque oui, chose? Oui, je vais intervenir sur ce sujet, le vent du pain et des biscuits. En fait, les salaires, j'ai l'écouté des travailleurs français, travailleurs chinois sous l'autre autorité française, en général, les salaires, sont en retard de 3 mois. Donc, pour survivre, certains travailleurs chinois comptaient dans les camps britanniques qui sont bien encadrés, hein, mais avec beaucoup de maltraitance aussi. Donc, pour survivre, certains Chinois ont fait du commerce, entre guillemets, et pas autorisé. Voilà. Voilà, mais c'est vrai que c'est important de le préciser. Et surtout, on parlait de la farine. En fait, c'est des hommes qui viennent du nord de la Chine. Ils mangent donc surtout du pain. Mais bon, pour vendre du farine, tout ça, bon, il y a quelques inscrits. Mais bon, c'est des témoignages de la population. Mais c'est pas vraiment l'engagement dans le commerce. Voilà, c'est pas l'engagement dans le commerce. Non, obligatoirement, c'est parce que par privation, il y a obligation de trouver de la nourriture. Et justement, en écho à ce que vous venez de dire l'un et l'autre, Lima et Laurent Dornel, nous allons écouter un témoignage, celui de Gilberte Rougeron. Gilberte a été interviewée en 1998 dans un documentaire intitulé La Zone Rouge, et Gilberte évoque ces travailleurs chinois qu'elle a vus quand elle était petite. Il y avait aussi des anamites qui étaient cantonnés près de chez nous sur une voie de garage à côté de la gare. C'était des voleurs et des rapineurs. Sans doute manquaient-ils de ravitaillement. Et de plus, ils avaient froid, ils vivaient enveloppés dans leur couverture, nuit et jour. Et une nuit, ils ont essayé de pénétrer chez nous, sans doute pour nous voler. Et mon père ne possédait pas d'armes, mais avait toujours une hache placée à la tête de son lit. Il s'est levé et il les a poursuivis en hurlant. Nous avons eu une peur terrible. Voilà, Gilberte qui évoque les anamites, donc c'est le Vietnam, mais c'est globalement, elle évoque les travailleurs chinois et elle couvre d'un terme l'ensemble de ces travailleurs venus là. Moi, je voudrais vous poser la question à l'un et à l'autre, Lima, Laurent Dornel. Quel contact avec les populations? Il y avait des contacts, parce que là, on a évoqué quelques rapines, on a évoqué la difficulté de pouvoir s'en sortir quand la nourriture n'était pas donnée. Quels ont été les contacts avec les populations, Lima? Je pense que c'est comme Laurent dit, hein, le contact est assez mal passé. Déjà, il y a une choc culturel. Hein, donc, la façon de vivre et la façon de s'habiller, ça étonnait beaucoup la population française. Ce qui est aussi, donc, comme on a dit, il y a des maltraitances chez les Britanniques, les travailleurs sous l'autorité britannique. Donc, il y a des Chinois, des travailleurs chinois sont partis en liberté et puis ils n'ont pas de salaire. Ils sont allés chez les la population française pour voler donc la nourriture et les salaires sont en retard du côté sous l'autorité du côté française, donc il y a cette histoire là et ils sont pas très bien aimés. Et puis la barrière de la langue et la choc culturel aussi, les coutumes, la manière de vivre, donc ça a beaucoup étonné la population française. Laurent Dornel, oui. Nous imaginons bien qu'en 1918 il n'y a plus besoin de travailleurs à partir du moment où il y a l'armistice. Comment ça se passe en réalité pour ces hommes qui sont venus et qui ont traversé le monde? Alors, si vous me permettez, je voulais juste préciser une chose, c'est que, pour répondre à la question que vous avez posée, les travailleurs chinois sont cantonnés. Et donc, en fait, les autorités françaises ne tiennent pas à ce qu'ils soient en contact avec les populations. Donc ça, je crois que c'est un point important qui explique aussi les relations compliquées avec les Français. La seconde chose, c'est que on a probablement des cas très différents d'une zone à l'autre du pays. Dans le livre que nous avons écrit avec Céline, nous proposons une carte très précise des localisations des Chinois. En fait, on s'aperçoit que ces travailleurs chinois sont omniprésents quasiment sur le territoire français. Et donc, d'une ville à l'autre, d'un groupement à l'autre, les situations ne sont pas les mêmes. Pour ce qui est de la dernière question que vous posez sur 1918, en fait, la fin de la guerre ne met pas fin aux besoins de main-d'œuvre. Que d'une part, la démobilisation française est extrêmement lente. Donc, les hommes ne rentrent pas tous de la guerre du jour au lendemain et ne reprennent pas leur poste en usine ou dans les champs. Donc, on a encore besoin de main-d'œuvre. Et puis, la seconde chose, c'est que, notamment dans les zones dévastées, le Nord, particulièrement, on a besoin encore plus de main-d'œuvre pour participer à la reconstruction des territoires. Si bien que en réalité, les Chinois restent en France jusqu'en 1922. Les derniers Chinois quittent, Chinois français, c'est recruté par la France, quittent la France en 1922. Lima. Oui, alors je vais justement plutôt. En fait, il y a 100 ans. Et juste en 1919 ou 101 ans, donc on a commencé à procéder à rapatriement des travailleurs chinois, notamment sous l'autorité britannique. Hein. Et puis le dernier rapatriement, c'était en avril 1920. Donc en fait, c'est pour pas entrer en concurrence avec les soldats des mobilisés. Et c'est vrai, comme Laurent a dit, du côté français, ils sont un peu plus longtemps, parce que le contrat a duré 5 ans. Alors du côté britannique, c'est 3 ans, notamment ça. Et aussi. Quand ils ont terminé ce contrat-là, ils reviennent chez eux et cette histoire est oubliée. Comment ça se passe? Il y a un retour massif de ces travailleurs chinois? Du côté, oui, tous les Chinois, il n'y a que 2000 qui ont été restés en France et les autres, ils sont renvoyés en Chine. Et donc, sans compter les morts, hein, parce qu'il faut vraiment préciser qu'il y a eu des victimes, vu qu'ils sont parfois très proches des combats. Voilà, les victimes du côté des travailleurs chinois sous l'autorité française, officiellement indiqué qu'il y a 1500 et chez les Britanniques, il y a 2000, mais c'est beaucoup plus que ça. Et aujourd'hui, comme encore, on veut dire qu'on ne peut pas compter sur les chiffres, on n'a pas de cas très précis sur les chiffres. Et voilà. Laurent Dornel, la mémoire de cette histoire-là était quand même transportée, ou c'est quelque chose qui avait été mis comme une parenthèse dans des destins? C'est une question qui est compliquée, parce que la mémoire elle est portée par différents porteurs, c'est-à-dire que en fait, et c'est ce qu'on essaie de faire dans les deux derniers chapitres de notre livre, c'est de réfléchir aux enjeux mémoriels. Dans un premier temps, alors il reste quand même 2000 Chinois recrutés par les Français restent en France, donc c'est aussi, je pense que ça doit donner à réfléchir, c'est-à-dire que ça permet aussi de sortir d'une vision vraiment très doloriste, victimaire. Si vraiment la situation avait été horrible, pour tous les Chinois, ils ne seraient pas restés. Bon, ça c'est une première chose. On a très peu de témoignages des Chinois même, puisque l'immense majorité de ces travailleurs sont illettrés ou analphabètes. Donc voilà. Et puis la mémoire, elle a, du côté chinois, elle a été compliquée parce que pendant très longtemps, il y a une sorte de. Alors dans un premier temps, elle est plutôt glorieuse puisqu'en fait la participation des travailleurs chinois a permis l'émergence géopolitique de la Chine qui participe aux discussions du traité de Versailles. Et donc, dans un premier temps, c'est plutôt positif. Mais ensuite, à partir de la Chine communiste, cet épisode est complètement effacé parce qu'il est considéré comme honteux. C'est l'exploitation des travailleurs chinois par l'Occident. Côté français, c'est aussi compliqué parce que il ne reste pas suffisamment d'hommes pour porter cette mémoire des Chinois. En France même. Eh bien, il y a vos ouvrages, Laurent Dornel avec Céline Régnard, Des bras au service de la France, Les Chinois dans la Grande Guerre, et votre livre Lima, la Chine et la Grande Guerre. Merci à vous Merci. Deux pour nous avoir présenté ces 40 000 destins, 140 000 destins. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'histoire ce matin, un documentaire qui revient sur une histoire oubliée, l'Empire colonial allemand. Si l'on cite abondamment pour leur histoire coloniale la France et la Grande-Bretagne, on oublie bien souvent l'Allemagne privée de ses colonies après sa défaite lors de la Première Guerre mondiale. Pas facile de revendiquer cette histoire quand ses voisins sont régulièrement sommés de s'en expliquer, de s'en excuser, de faire leur examen de conscience, de réparer ou tout simplement d'avoir la politesse d'en tenir compte dans leur politique contemporaine. L'Allemagne a pourtant bien gouverné un empire qui s'étendait de l'Afrique au Pacifique en passant par la Chine. Le documentaire de Christelle Faume, La Namibie, une histoire d'une colonie allemande, nous plonge dans cette histoire courte de 1884 à 1915 qui atteint pourtant un paroxysme de violence contre les héréros, considérés comme le premier génocide du XXe siècle. Jouant sur les rivalités tribales entre Manas et héréros, l'appétit des colons allemands se trouve bientôt face aux Namibiens coalisés et l'Allemagne impériale organise la destruction systématique des récalcitrants, une guerre coloniale qui devient une guerre raciale en 1904. Lothar von Trotha est arrivé ici. Et il a, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, formalisé un projet de génocide. Il a écrit « Je veux que mes troupes effacent une communauté entière de la surface de la Terre ». Les premiers missionnaires arrivent en Namibie bientôt, suivis par les colons allemands dans les années 1830, mais c'est la conférence de Berlin en 1884 qui fait de l'Allemagne une puissance coloniale et partage l'Afrique et ses ressources entre les États d'Europe occidentale. Au cours de la guerre coloniale, 80% des héréros sont massacrés ou mortellement affamés. Les héréros, qui représentaient 40% de la population du pays à la fin du XIXe siècle, ne représentent plus que 8% du peuple namibien aujourd'hui. Un effacement réussi, selon les mots de l'historien Joël Cotex, et une reconnaissance qui tarde du fait de la part minoritaire des Héréros en Namibie, mais aussi parce qu'une fois soustrait à l'autorité allemande, le pays est dirigé par l'Afrique du Sud et bientôt soumise au régime de l'apartheid jusqu'en 1990. Les traces de la colonisation allemande sont toujours visibles à travers le patrimoine architectural et le site de l'île aux requins, où l'armée impériale avait construit un camp de concentration destiné aux sujets jugés rebelles, ou encore à Swakopmund, petite station balnéaire de la côte, où trône encore en bonne place un monument aux morts en hommage aux soldats allemands tombés au cours de la guerre coloniale. On devrait renvoyer ce monument en Allemagne, si vous voulez mon avis. Ou alors le détruire pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Dans ma motion, j'ai proposé qu'il soit placé dans un musée pour qu'on puisse honorer à la place nos héros, ceux qui ont combattu pour l'indépendance de ce pays. Voilà ce qu'on veut. L'Allemagne fédérale a reconnu la violence des exactions au Reichstag en 2015, mais pas le génocide, et les descendants des victimes réclament toujours des réparations qui n'ont pas été accordées à ce jour. Et on retrouve les liens à voir et à lire sur la page du Journal de l'Histoire, c'est sur franceculture.fr. Demain, dans le cours de l'histoire, nous continuons et nous poursuivons notre semaine consacrée à la Chine et l'Occident. Comment l'affaire a mal tourné? Oui, demain, nous allons à la rencontre des images dans les deux sens. Quelles sont les images par lesquelles l'Occident a rencontré la Chine avec ce fantasme du chinois cruel, du supplice chinois? Retour sur une rencontre très visuelle avec de nombreux fantasmes. Et un regard magnifique aussi, celui d'Henri Cartier-Bresson. Henri Cartier-Bresson qui s'est rendu par deux fois en Chine en 1948 et en 1958, donc 10 ans plus tard, et qui, avec son Leica, a photographié la Chine. Le cours de l'histoire est une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Camille André, Aurélie Lachkar, des émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet Le Cours de l'Histoire, c'est sur franceculture.fr ou bien en podcast. Et puis, comme toujours, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire.